Radiomatic. La transmission 292 d'Audiomatic s'ouvrait sur les rythmes métalliques du projet japonais Dissecting Table, de qui nous écoutions la pièce Dead Gods tirée de l'album Ultimate Psychological Description 2, paru en 1993. Audiomatic, avec les sonoristes qui vous accompagnent pour la prochaine heure qui est déjà entamée. Nous espérons que ce que vous entendrez vous donnera l'envie d'écouter. Warmth in your hand as your pony married us alone. your bonnet, sunbeam bonnet, all clean and bonnet, Mary doesn't Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatique le groupe norvégien Yaga Yassist et leur composition Stardust Hotel de leur quatrième album studio What We Must, paru en 2005. Précédemment à Yaga Yassist, nous avions droit à la formation britannique Clinic et leur chanson Mary and Eddie, tirée de leur cinquième album Do It, lancé en 2008. Et pour débuter, vous avez sans doute reconnu Beck Hansen, qui est mieux connu simplement en tant que Beck, de son 11e album Modern Guilt, sorti en 2008. Nous vous avons présenté sa pièce Replica. Audiomatique se poursuit avec une séquence de trois pièces qui vont jouer dans les styles IBM, techno et house du début des années 90. We'll be right back.

Audiomatic, nous venons d'entendre une pièce du groupe Alternate, soit Destiny, tirée de leur première parution, le Overload EP, sorti en 1992. Avant Alternate, c'était Dope Module, un des projets parallèles des membres de Future Sound of London. La composition We Bring It est tirée de l'album compilation By Any Other Names, regroupant une série de pièces réalisées par différents projets parallèles de Future Sound of London, notamment Yage, Mental Cube et Dope Module. Et au début de la séquence, nous entendions la formation Lights of Euphoria avec Give Me You, pièce tirée de l'album Thought Machine, paru en 1995. La transmission 292 d'Audiomatic se poursuit maintenant avec le duo danois The Ravenettes. Thank you. Le groupe anglais The House of Love terminait ce segment musical à Audiomatique avec leur chanson Corridors, extraite de leur quatrième album Audience with the Mind, commercialisé en 1993, qui fut l'année où le groupe s'est séparé. En 2003, Guy Chadwick, le chanteur et leader du groupe, a reformé The House of Love avec Terry Bikers, le guitariste original de la formation de 1986 à 1989, et ils ont depuis fait paraître deux albums, soit en 2005 et 2012. Tout juste avant The House of Love, nous entendions le groupe américain A Place to Bury Strangers avec la version remixée par Trent Mueller de leur single Never Coming Back, dont la version originale est tirée de leur cinquième album Pinned, sorti en 2018. Le remix qu'a fait Trent Mueller est paru sur l'album Repinned. Et pour amorcer la séquence, le duo danois The Ravenettes nous offrait la pièce Ally Walk With Me, qui ouvre leur troisième album Lost, Lost, Lost, lancé en 2007. La transmission 292 d'Audiomatique se terminera sur la musique du projet Prefuse 73 et sa pièce Love You Bring, tirée du mini-album The 92 vs. O2 Collection. Il est déjà prévu que mercredi prochain, dès 17h, Audiomatique prenne forme sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM à travers sa transmission 293. Nous vous donnons également rendez-vous à votre convenance sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique afin que vous puissiez écouter nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Prefuse 73 et la pièce Love You Bring. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.